Exercice 4, page 152. Chouchou, chichi, chiche, chèche. Joujou, jugeon, juge, jauge. Chargeant, changeons, charge, échange. Jean-Michel, Jean-Charles, je marche, j'arrache.